parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Des mots difficiles à dire, c'est fleur bleue. C'est fleur bleue, c'est fleur bleue. Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleur bleue. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue. On envoie des pneumatiques à fleur bleue. Les dimanches sont poétiques, tout fleur bleue. On se met du cosmétique dans les cheveux. Oui, parbleu, pour fleur bleue. On jure que l'on s'adore tous les deux. Et l'on jurerait encore si fleur bleue ne vous plaquait ça, c'est vache pour un dragon, un moustache à morbleu. Elle n'est pas revenue mystérieux. Oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite, oh mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps d'automne sans fleur bleue coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleur bleue devient vieux, ennuyeux. Pourtant ne soyons pas tristes pour fleur bleue. J'en ai là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleur bleue. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. C'est mot difficile à dire, c'est fleur bleue, c'est fleur bleue, c'est fleur bleue. Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleur bleue. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue.